Vos mensonges traînent dans la rue, mais vos échos ne tiennent plus. Riders Kill marche, froid et vrai. Un rock vivant que rien n'arrête jamais. Vos idoles brûlent, trônent en carton. Chaque mot creux, c'est un sans nom. Vous suivez l'ombre sans lumière. Des faux prophètes, des couronnes amères. Moi je bâtis sur la vérité. Chaque ligne frappe, chaque mot est clé. Riders Kill trace, lourd et précis. Un bloc de pierre au cœur de la nuit. Sans réfléchir, des chaînes forgées pour obéir. Vous vénérez des fantômes creux, vos cris se perdent. Je reste feu, moi je marche droit, franc et brut. Chaque cicatrice devient ma lutte. Ride est-ce qu'il règne, froid et réel. Un souffle lourd, un poids plus. S'efface dans le silence. Chaque attaque nourrit ma puissance. Je suis le bloc, l'acier, la flamme. Riders Kill vrai, gravé dans vos âmes. Concrete shadows fade away. Truth is still I stand and stay. Vos ombres tombent, vos chaînes se brisent. Chaque mensonge finit en cendres grises. Riders Kill marche, droit et sincère. Un rock vivant, gravé dans la pierre.